soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, le tour du pâté de maison, comme un vieux livre, voilà. C'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio en ce mardi 7 janvier 2025. Des mots, des sons sans cible. En ce 7 janvier, forcément, pensez. On peut tourner la page, celle de Charlie, celle de la presse libre, indépendante, résistante, satirique, mais pas celle de la tragédie du 7 janvier 2015, il y a 10 ans. Ne jamais oublier surtout le parcours, le travail, l'esprit des Cabu, Volinsky, Charb et tous les Charlie, et qu'ils soient maintenus au mieux, continuer encore et encore, et continuer le combat contre l'oubli, les oublis, contre la haine, les fondamentalismes, les extrêmes, pour la mémoire, les mémoires et les combats, pour la liberté. 10 ans après, l'indignation, la colère, la tristesse sont toujours aussi vives. Et à jamais dans nos cœurs, c'est Charlie. On pense bien sûr à Charb, Cabu, Honoré, Tinius, Volinsky, l'économiste Bernard Maris, la psychanalyste et chroniqueuse Elsa Kaya, Michel Renaud, invité de la rédaction et qui rapportait de Clermont-Ferrand des dessins à Cabu, le correcteur Mustapha Ourad, ainsi que deux policiers, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet, le premier étant chargé de la protection de Charb et le second alors qu'il patrouillait dans une rue proche du siège du journal, et un agent de maintenance, Frédéric Boisseau. Une journée donc de commémoration. Un numéro spécial de Charlie Hebdo ce jour, numéro de ce 7 janvier, increvable, le titre et mot d'ordre de ce numéro spécial avec un sondage IFOP, les Français sont pour la caricature, les résultats du concours, rire de Dieu, caricature de Mahomet, récit d'une manipulation, ou l'histoire encore des miracles de Charlie à l'usage des mécréants. Un numéro spécial de 32 pages, une journée et une semaine spéciale sous forme d'hommages divers et variés, des documentaires, radio, TV que vous retrouverez ici et là. Et nous rendrons également un hommage aussi en musique en fin de ce programme de ce 7 janvier. Let's go! Et puis un sujet qui peut paraître dérisoire au menu de ce programme aujourd'hui. Sujet dérisoire face aux horreurs de ce monde, parfois pour l'écologie. Un combat que menait aussi Charlie Hebdo et que nous reprenons à notre compte aujourd'hui. En effet, il va être question d'écologie et on recycle. Avec un retour sur une table ronde, rencontre, entretien que je réalisais fin novembre dernier à l'occasion de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique à Saint-Étienne. Tout cela en se saisissant d'une occasion et d'une actualité, celle d'une soirée débat qui aura lieu le 16 janvier prochain, dans une semaine exactement, au Romu Ménage, le Café Lecture à Saint-Étienne, qui propose cette soirée débat, en tout cas qui la copropose avec la Tinette Stéphanoise, une nouvelle association qui va animer ce débat sans tabou, visant à questionner les rapports que nous entretenons avec nos toilettes, leurs coûts environnementaux ou encore les perceptions que nous avons de nos déjections. Et oui, Les toilettes sèches, nouvelle tendance écolo ou futur enjeu de société? C'est la question qui sera posée à l'occasion de cette soirée débat du 16 janvier prochain à 20h au Remue-Ménage Café Lecture à Saint-Étienne. À cette occasion, je vous propose eh bien, précisément de rencontrer, découvrir la Tinette stéphanoise et Colosse, un autre projet pour la métropole lyonnaise qui était présent donc à notre micro fin novembre dernier pour cette table ronde intitulée « La transition écologique passe aussi par les toilettes ». Vous y retrouverez Clarisse Loaec pour la Tinette stéphanoise ainsi que Florent Brun pour ce projet Colosse mené sur la métropole lyonnaise. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui qui s'ouvre néanmoins comme à notre habitude en musique. Avec un titre qui me semble tout à fait bienvenu, un choix musical d'ouverture pour finalement rejoindre pleinement ce propos ou ces propos introductifs. Ce titre, c'est Future Memories, gardons la mémoire, celle du passé mais aussi à venir. Avec ce titre issu du nouvel album de Clavicule, Incoming Blaze, qui est sorti le 22 novembre dernier chez Vlad Productions. C'est un quatuor qui nous vient de Rennes. C'est un nouvel album, mais c'est un troisième album après Garage is Dead, sorti en 2020, Full of Joy, sorti en 2023. Les Rennais sont donc de retour avec ce nouvel album, nouvel opus, qui laisse toujours place aux mélodies instrumentales et vocales dans un registre toujours garage ou post-garage, mais aussi très pop, des guitares tantôt joyeuse, tantôt agressive, mais tout cela dans une ambiance plutôt mélodique et chaleureuse, avec des textes là aussi qui rejoignent notre sujet du jour. Il y est question d'écologie, de société inégalitaire et patriarcale, bref. Tout cela à découvrir au sein de ce nouvel album de Clavicule. C'est la découverte, le partenariat Ferrarock. Cette semaine, je vous propose donc de découvrir Future Memories, des clavicules, des mots, des sons sensibles. C'est parti. le quatuor rennais Clavicule qui a sorti cet album, c'était le 22 novembre dernier chez Vlad Productions. Incoming Blaze, c'est leur troisième album. Vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir via la Ferrarock ce projet, puisque partenariat implique eh bien, présentation, diffusion, jeu concours. Ces albums sont à gagner via la Ferrarock et donc nos radios membres. N'hésitez pas à nous contacter aux contacts habituels, téléphone ou net, etc. Vous retrouverez plus d'infos en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme Dig Dig Diggers, notre programme mutualisé et collectif qui reprend du service en ce début d'année 2025. Alors c'est, disons, géographiquement plutôt installé du côté de la Bretagne en ce début d'année, puisque deux projets qui nous viennent en effet de la région Bretagne, avec Thiago Caetano, qui lui a pourtant aussi des origines brésiliennes tout à fait visibles et évidentes au travers de son album Echo da Bahia, que vous retrouverez en interview écoute également dans ce programme Dig Dig Diggers, et puis donc les Clavicules qui nous viennent de Rennes pour une interview également que vous retrouverez avec les deux radios bretonnes Canal B Radioactive qui se sont attachées à l'exercice. Et puis vous retrouverez un petit module, troisième module surprise et carte blanche, et cette fois on prendra un peu plus la destination du sud avec la chanteuse sicilienne Gera Bertolone. C'est le menu de Dig Dig Diggers à retrouver ce vendredi sur Duo, c'est à midi 19h et le lundi en matinale dès 8h bien entendu. Le 16 janvier prochain, dans une semaine, à 20h, au Remue-Ménage Café Lecture à Saint-Étienne, situé, on vous le rappelle, 43 rue Michelet, eh bien vous retrouverez une soirée débat animée par la Tinette Stéphanoise autour de cette question, les toilettes sèches, nouvelle tendance écolo ou futur enjeu de société. Et oui, ça pue, c'est sale, et l'eau, eh bien, venez débattre autour de questions que vous ne vous êtes peut-être pas encore véritablement posées concernant nos toilettes, et plus particulièrement celles des toilettes sèches, et donc qui fonctionnent sans eau. Et lors de cette soirée de jeudi prochain 16 janvier, vous y retrouverez des membres de l'association La Tinette Stéphanoise qui animeront un débat pour questionner ces rapports que nous entretenons avec les toilettes, leurs coûts environnementaux, mais aussi le rapport ou perception que nous avons de nos déjections. Et oui, alors vous êtes peut-être simplement curieux, curieuse, convaincu, dégoûté. En tout cas, n'hésitez pas à aller échanger avec la Tinette Stéphanoise pour réfléchir justement à des solutions que constitueraient les toilettes sèches. Ce n'est pas forcément adapté qu'au milieu rural, mais en ville aussi, des solutions sont proposées pour eh bien, de bonnes conditions aussi d'habitabilité de la planète. Alors on a évoqué cela précisément lors d'une table ronde, rencontre-entretien. C'était le 23 novembre dernier, alors que nous étions en couverture et direct de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique à Saint-Étienne, un programme radio sur, ou des programmes radio, même en interview, conférence, table ronde, sur deux journées pleines et entières, avec notre voisine de Londen, Radio Londen, avec qui nous avons donc réalisé l'ensemble de ces programmes. Et précisément, l'une de ces tables rondes, qui bouclait d'ailleurs la première journée du samedi 23 novembre, portait sur la transition écologique, passant aussi par les toilettes, avec précisément la Tinette Stéphanoise et un projet dispositif de la métropole lyonnaise, Colosse. Alors voilà, si la restauration des cycles planétaires passait par une gestion plus durable de nos excréta, c'était la question posée. Présentation donc avec Florent Brun pour Colosse, sur cette expérience menée sur la métropole lyonnaise, et Clarisse Loaec pour la Tinette Stéphanoise, cette association locale. C'est tout ce que je vous propose de retrouver d'ici un instant et durant ce programme des mots des sons sensibles du jour. Bonne émission, bonne écoute. Alors, dernier rendez-vous en table ronde. Ici, sur l'espace radio, nous ont rejoint Clarisse et Florent. Bonjour à vous. Bonjour. et bienvenue sur cet espace radio et ce plateau radio. Alors on va s'atteler à un sacré chantier pour et une sacrée question et problématique pour terminer. Nous allons aborder la transition écologique, mais qui passe par les toilettes. Alors voilà un sacré sujet. Tout d'abord, avant d'évoquer plus précisément vos fonctions, vos projets et autres que l'on va détailler, expliciter ici, de transition écologique, il va être donc fortement question. Il en est fortement question au travers de ce rendez-vous. T'as tout juste qu'est le rendez-vous de la transition écologique. D'autant plus en ce 23 novembre, qui est quand même ce jour de clôture après un jour de prolongation de cette fameuse COP29, qui évoque beaucoup justement cette question de la transition écologique. Vous avez pu peut-être suivre cela. Hier, il devait se terminer le 22 novembre. Difficulté en termes de négociation et puis prolongation pour éviter le crash jusqu'à aujourd'hui, pour tenter de trouver des points d'accord. Et apparemment, l'info est tombée tout à l'heure, les pays les moins développés auraient claqué la porte de certaines réunions. Ça semble mal engagé pour cette COP29. Est-ce que vous avez suivi simplement cet événement international et notamment l'actu du jour et ce vers quoi pourrait déboucher ou non d'ailleurs cette COP29 qui s'est passée en Azerbaïdjan? Êtes-vous sensible à la question? Alors oui, on Clarisse. Est sensible à ces questions justement de transition écologique parce que ça nous touche déjà au quotidien. Donc on a pu le voir déjà avec les sécheresses de 2022-2023 qui ont quand même assez marqué justement les esprits. On s'est retrouvé justement avec des coupures d'eau dans certaines communes où en fait on a dû mettre en place de la logistique où on a apporté de l'eau en camion-citerne. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on essaye de travailler justement donc via l'association qu'on a créée, donc la Tinette Stéphanoise, et sur laquelle travaille aussi Florent. Oui, on va en reparler bien sûr. C'était simplement pour avoir un peu votre avis général sur cette question de transition écologique dont on parle beaucoup et de réchauffement climatique bien entendu associé. Alors pour entrer en matière justement, la transition écologique passe aussi par les toilettes. Voilà. Et si la restauration des cycles planétaires passait par une gestion plus durable de nos excréta? Voilà le résumé et questions posées pour cette table ronde, avec deux projets que je voudrais présenter, la Tinette Stéphanoise pour Clarisse Loaec et le Colosse pour la Métropole Lyonnaise, qui est un projet de recherche-action dont on va reparler avec Florent Brun, qui est donc ici. Et juste en entrée en matière, après exposé de la question, je voulais quand même rappeler que, et vous êtes sans doute informés, depuis 2013, chaque 19 novembre, que se passe-t-il, Clarisse? La journée des toilettes. La journée mondiale des toilettes. Oui. C'est la journée mondiale des toilettes. Moi, j'ai appris ça en faisant un peu recherche, bien sûr, pour cette table ronde. Donc, selon l'ONU, chaque 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une journée dédiée, mais c'est effectivement pour faire prendre conscience de l'importance des toilettes et de la situation des personnes qui vivent sans accès à un assainissement géré en toute sécurité. Et c'est une question ô combien cruciale et je dirais transversale, parce qu'elle aborde à la fois des questions de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'eau, comme vient de le citer Clarisse à l'instant. Alors, on va reprendre projet par projet, si vous le voulez bien. Peut-être commençons par le projet de recherche-action, parce que je crois que la Tinette Stéphanoise, c'est un peu finalement aussi greffé ou en tout cas a rejoint un peu cette idée de recherche menée sur la région lyonnaise. Oui, on s'inspire effectivement. Vous êtes inspiré de ce travail. Alors Florent, justement, Colosse. Oui, alors peut-être je peux revenir sur la COP29, là, en deux mots et très rapidement, et sur la Journée mondiale des toilettes, pour ouais. souligner peut-être des éléments, notamment cette question d'accès à l'assainissement, effectivement, elle est planétaire. Et cette Journée mondiale des toilettes, elle provient de mémoire des objectifs du millénaire pour le développement, dont il y avait un objectif en lien avec l'assainissement, avec des objectifs en 2015. Et aujourd'hui, on est sur les objectifs du développement durable avec un horizon 2030. Donc ça émane des Nations Unies, qui ont signé plusieurs objectifs. Et il faut savoir que la question des toilettes, en fait, elle rejoint plusieurs objectifs. Il y a un objectif en lien avec l'accès à l'eau potable, un autre en lien avec l'accès à l'assainissement. Il y en a un en lien avec l'accès à une alimentation de qualité. Et du coup, je pense que cette question des toilettes, elle relie ces différents éléments-là. Il y en a un aussi en lien avec la santé. Donc voilà, on voit que cette question, en fait, elle est très transversale Et pour revenir sur la COP29, ce que j'avais envie de dire, ma réaction à chaud, parce que vous me l'apprenez, notamment le fait que les pays du Sud ont claqué la porte, je pense qu'on est aussi au cœur de contexte de domination sur ces sujets-là, et que finalement la transition écologique, on parle de transition écologique, mais pour moi elle doit être faite aussi dans un cadre de justice sociale. Et je pense que la posture des pays du Sud aujourd'hui et hier à la COP29, elle souligne que finalement quand on s'attelle à cette question de la transition écologique, on met en exergue cette question des rapports de domination et des prises de pouvoir en lien avec les conditions économiques et notamment ces aspects de croissance qui ont été abordés notamment par le conférencier précédent tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et que c'était aussi quelque chose d'important, quoi. Oui. Pour en revenir au projet Colos, c'est un projet qui se développe sur le territoire de la métropole de Lyon, sur deux communes périurbaines au nord de la métropole, Quinsieux et Lissieux. Alors, la genèse un peu de ce projet, elle émane d'une réflexion qui a été portée par le programme OCAPI. Donc, c'est un programme de recherche-action qui est hébergé dans un laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées à Paris, qui existe depuis 2014. Et dans lequel j'ai pu avoir l'opportunité de faire une pige en 2018, donc une pige, un petit contrat court d'une analyse sur les agriculteurs franciliens, comment ils pouvaient percevoir l'utilisation d'excréta humain et en particulier d'urine comme fertilisant sur leurs itinéraires agricoles. L'un des résultats, c'était grosso modo, il y avait des agriculteurs qui disaient si je vois que chez mon voisin agriculteur ça fonctionne, je passerai à l'acte, quoi. De ce travail-là, j'ai commencé à chercher une collectivité partenaire pour mettre en œuvre ce projet. On s'est rencontré avec la métropole de Lyon quelques années après, et on a trouvé un chemin d'entente sur la mise en place de ce projet Colos, qui a trois axes principaux. Un premier axe, c'était l'idée de rencontrer différents services de la métropole avec différentes compétences pour voir comment ils pouvaient s'organiser dans une voie commune pour gérer cette question des urines et matières fécales en dehors des réseaux d'égouts. Donc le service de la direction du cycle de l'eau, le service de la direction de l'agriculture et la direction des déchets, quoi. Donc un premier axe qui visait plutôt à faire un diagnostic du territoire en lien avec ces compétences-là et de voir comment ça pouvait permettre la mise en place de filières. Il y a un deuxième axe qui est plutôt relatif à la démonstration des impacts de la pratique d'utilisation des excréta comme fertilisant en agriculture en se basant sur la mise en pratique. Donc c'est un démonstrateur, on appelait ça le démonstrateur Colos, et qui visait en fait à utiliser les excréta comme fertilisant avec un agriculteur du territoire de Quinsieux. On reviendra peut-être plus en détail là-dessus. Et le troisième axe, c'est un axe qui est un peu, on va dire, en vogue dans les systèmes de décision des collectivités. C'est un travail sur la base de scénarios pour voir quand on met en place cette collecte-là sur un territoire, quels sont les enjeux associés, quels sont les impacts associés, impacts logistiques, économiques. Et du coup, on élabore des scénarios et comme outil d'aide à la décision des élus et agents des collectivités. Voilà un peu le panel cadre général. Le cadre général. Donc sur le Rhône, qui serait donc qui est un département un peu pilote en la matière. Ouais, alors en soi, le département n'est pas mobilisé puisque c'est les services de la métropole. Bon, la métropole a la compétence départementale sur son territoire, mais c'est un territoire qui est pilote. Il faut savoir qu'il y a plusieurs collectivités qui s'approprient ce sujet-là aujourd'hui en France, notamment la ville de Paris. Il y a la métropole de Bordeaux aussi. Et puis une dynamique exceptionnelle sur Saint-Étienne, portée par Clarisse. Voilà, Clarisse aussi, donc, qui a pris modèle et exemple sur cette expérience et cette recherche-action lyonnaise, et Colosse, qui signifie, je le précise, copros, qui signifie les excréments, et tolos pour la circularité, en grec, bien entendu. Inspiré donc de cette démarche et initiative, Clarisse, un projet qui est né à Saint-Étienne, donc d'assainissement enfin, écologique, on peut dire comme ça. En tout cas, c'est la Tinette stéphanoise, mais tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Donc la Tinette stéphanoise, c'est une association donc, qui a été créée tout récemment et qui émane en fait d'une réflexion que j'ai menée notamment de manière accompagnée donc, via un incubateur, donc l'incubateur de l'économie sociale et solidaire de Rhône-Alpia, parce que je voulais travailler justement sur la question de comment travailler sur un effet levier pour lutter contre le gaspillage de l'eau et le gaspillage des matières, en fait, des nutriments qu'on évacue finalement tout à l'égout. Et donc de là a émergé le projet d'association pour pouvoir justement monter un collectif de personnes qui ont envie de se mobiliser sur ces questions-là. Et donc en fait, on a deux missions principales. La première, ça va être de sensibiliser sur les enjeux de l'assainissement et de présenter qu'est-ce que c'est qu'un assainissement écologique finalement, à quoi est-ce qu'on essaie de répondre. Via des démonstrateurs, mettre en place en fait des expérimentations, notamment de collecte d'urine en milieu urbain, pour pouvoir commencer justement à mettre en place ces filières-là, monter des partenariats avec des acteurs du territoire pour rendre ça possible finalement, lever les freins quand on veut installer par exemple des toilettes sèches en appartement, si on n'a pas le vidangeur qui va bien en face, c'est compliqué. Donc un peu la filière sur le même modèle de en gros alimentation, excrétion, voilà. Un peu dans cette intention-là. C'est ça, donc l'objectif c'est de collecter les urines, parce qu'en fait les urines c'est des engrais, et de monter des partenariats avec des agriculteurs qui cherchent des alternatives justement, soit aux engrais de synthèse, donc là on va parler par exemple des ammonitrates ou du phosphore fossile, donc qui sont synthétisés à grand renfort d'énergie, qui utilisent de l'énergie fossile finalement, et en fait on arrive un peu au bout de ces réserves. Et donc ils cherchent ces alternatives-là et donc de leur proposer la valorisation des urines dans leur itinéraire technique. Ouais. Alors avant de comprendre finalement aussi ce que vous tentez de développer pour trouver des solutions, tentons de comprendre déjà l'existant parce que votre démarche intervient en alternative à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire on va tenter de comprendre, si vous le voulez bien, en quoi l'assainissement aujourd'hui n'est pas une solution, est non écologique, et les enjeux donc associés, si vous voulez tenter de façon assez pédagogique et donc tenter de vulgariser un petit peu la question. Oui, alors cette question, c'est très de la recentrer effectivement sur aujourd'hui, c'est principalement le tout à l'égout en ville qui vise à gérer nos excrétas. Donc quand on parle des excrétas, c'est urine et matière fécale humaine, système à chasse d'eau et solution au bout du tuyau d'un traitement en station d'épuration. Une station d'épuration, ça vise à détruire l'azote et le phosphore présents dans l'eau, notamment. Azote et phosphore qui sont des nutriments pour les plantes qui visent en agriculture à être des engrais pour nourrir la plante. Quoi. Donc d'un côté, on va à grand renfort d'énergie détruire ces nutriments-là dans nos eaux usées et de l'autre, le secteur agricole va chercher à produire ces nutriments-là à grand renfort d'énergie, notamment via le procédé Haber-Bosch qui vise à capter l'azote atmosphérique pour le précipiter soit sous forme solide ou liquide pour en faire des engrais de synthèse. Quoi. Donc on a une double consommation d'énergie sur l'azote. Pour le phosphore, le phosphore est plutôt d'origine minière. Et du coup, là, ça pose plutôt des questions géopolitiques parce que les mines de phosphore, elles sont principalement situées en Sahara occidentale et en Chine. Quoi. Donc ces enjeux de l'azote et le phosphore qu'on va consommer dans notre alimentation vont être principalement excrétés dans nos urines. Et l'idée de ce qu'on appelle la séparation à la source des urines et matières fécales humaines repose un peu sur l'idée du tri des déchets finalement, où on va trier les éléments qui vont arriver dans le tout à l'égout avant que ça y arrive pour faciliter finalement leur traitement et leur valorisation en agriculture. Donc pour réaliser ça, en fait, on voit que le tout à l'égout, c'est un système technique établi aujourd'hui dans notre société. Et pour le bousculer, pour le transformer, on fait face à... Donc ça a été pas mal documenté au sein du programme OCAPI, à ce qu'on appelle des verrous sociotechniques. Donc les verrous sociotechniques, c'est quoi ? C'est comment une innovation, une nouvelle manière de faire les choses va se confronter à ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Et pour ça, on se rend compte que les verrous sociotechniques en lien avec la séparation à la source des urines et matières fécales, c'est déjà en premier lieu une politique nationale pas claire d'un point de vue réglementaire ou même d'innovation pour permettre ce genre d'initiative. Si on prend par exemple les agences de l'eau ou l'ADEME ou ce genre d'agences étatiques, finalement, eux-mêmes ne donnent pas clairement des injonctions pour aller vers cette pratique-là. Derrière, on peut dire qu'il y a un tabou aussi autour des excréments, de gérer finalement les excréments, ses propres excréments dans la société, donc qui donne pas vraiment envie de se préoccuper de ce sujet-là, finalement. D'autres verrous sociotechniques, ça peut être aussi le manque de compétences. Finalement, on appelle son plombier aujourd'hui pour mettre en place une toilette sèche avec une ventilation et puis un système de collecte sélective d'urine. C'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, il n'est pas formé nécessairement pour. Voilà, on pourrait décliner toute une liste de verrous sociotechniques qui sont à lever pour imaginer une généralisation, quoi. Des verrous, des points de blocage, quoi. Des points de blocage, voilà, des freins. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, l'assainissement existant, le système, en tout cas dominant aujourd'hui, est énergivore et est finalement non écologique. Énergivore favorise finalement aussi le réchauffement climatique. Oui. Et pour compléter justement, pour donner quelques chiffres clés, par exemple, les toilettes à jasse d'eau classique. À l'échelle d'un foyer, ça consomme quand même 20% de l'eau. Donc c'est assez énorme. Et aussi, il y a un autre enjeu sur lequel on essaye de travailler en fait avec les toilettes à séparation. C'est, on l'a vu notamment avec les JO à Paris, avec les enjeux de contamination justement des eaux qui sont d'origine en fait des stations d'épuration finalement, parce que on rejette de l'eau qui est traitée, mais qui est traitée ensuite, ce qui ressort en termes de caractéristiques d'eau traitée, c'est pas des qualités baignables. Donc c'est-à-dire que derrière, on va jouer sur la dilution. Sauf que la dilution, là, pour l'instant, on a encore un peu d'eau parce que le changement climatique, on commence à le sentir. Mais en fait, dans quelques années, l'effet de dilution, il va s'amoindrir. Donc en fait, on a un peu ce qu'on appelle un effet ciseau où les stations d'épuration, elles vont avoir du mal à traiter. Et derrière, l'absorption par les milieux naturels, elle ne pourra pas se faire. Et donc, il y a aussi des enjeux, finalement, au niveau du milieu aquatique qui sont assez forts. Oui, la question de l'eau, c'est un enjeu fort, d'ailleurs, effectivement, pour les années à venir. Et encore, localement, un forum départemental l'a démontré, deuxième édition d'un forum départemental consacré à cette question de l'usage de l'eau aussi, et de son partage, sa répartition. Un forum organisé par le collectif Partage Eau, localement, qui a abordé l'ensemble de ces questions. Alors moi, j'avais relevé 2-3 données, c'est qu'environ 1,3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales proviennent des systèmes d'assainissement et de gestion des eaux usées, et donc des toilettes. Donc c'est quand même un chiffre conséquent. Ouais, du coup, effectivement, hein, c'est un chiffre conséquent. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler des limites planétaires. On parle souvent de 9 limites planétaires, dont 6 qui seraient dépassées aujourd'hui sur le système Terre. Donc il y en a qui sont très médiatisés, notamment l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et notamment la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le modèle de fertilisation et de gestion de l'azote et du phosphore aujourd'hui font qu'on a une perturbation qui va jusqu'à avoir des gaz à effet de serre très élevés, notamment pour tout ce qui va être de la logistique d'importation des fertilisants, et tout ce qui va être de l'ordre du traitement et du rejet dans les cours d'eau, qui vont générer de l'eutrophisation notamment. Alors il y a un gaz, une matière que vous n'avez pas évoquée, ce qui me semble surprenant, parce qu'en matière de hausse de gaz à effet de serre, issu notamment, me semble-t-il, de notre système d'assainissement, c'est le méthane. Oui, et qui est un gaz à effet de serre autrement plus puissant que le carbone. Le méthane, en fait, il survient dans un contexte anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, une digestion sans oxygène. Quand on va procéder finalement à une collecte sélective, en particulier des matières fécales humaines qui sont riches en matière organique et en carbone, on va les traiter par compostage. Et le compostage, c'est un processus aérobie, donc avec de l'air, de l'oxygène, qui va limiter finalement cette production de méthane. Alors, il s'agit justement de réduire ces émissions pour limiter le réchauffement climatique. Et si j'évoquais le méthane, c'est parce que moi, j'avais l'exemple comme ça en tête de façon assez évidente, puisque démarche déjà engagée, me semble-t-il, notamment dans le milieu agricole, c'est ce que l'on nomme la méthanisation, qui finalement, me semble-t-il, rejoint déjà un petit peu votre démarche. Ou alors, je suis dans l'erreur, mais éclairez-nous si c'est le cas. Eh ben, par exemple, pour valoriser et traiter les résidus de toilettes sèches, effectivement, la méthanisation, ça peut faire partie des voies de traitement, comme le compostage. Donc après, on n'obtient pas forcément les mêmes produits, ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques au niveau agronomique non plus. Mais pour l'instant, je ne sais pas, Florent, si tu veux rebondir justement sur l'enjeu du statut, finalement, de déchets, des urines et des matières fécales, en fait, qui pour l'instant n'ont pas de statut à part entière. Ce qui rend un peu plus complexe finalement la valorisation de ces produits. Ouais, d'un point de vue réglementaire, effectivement, déchets ou produits, pour l'instant, il n'y a pas de. On aurait plutôt tendance à l'associer aux déchets, mais c'est pas très clair dans la réglementation. Pour revenir sur la question du méthane, effectivement, on peut traiter les matières fécales par méthanisation, auquel cas on va récupérer le méthane pour en faire un combustible. Au lieu de le rejeter dans l'atmosphère. Voilà, exact. Tandis que pour l'urine, qui est riche en azote et en phosphore, mais pas en carbone, il n'y a aucune cohérence technique, finalement, à utiliser de l'urine dans un méthaniseur. Il convient mieux de l'utiliser en agriculture directement, en épandage, ou via d'autres procédés de transformation pour en faire un engrais, quoi. Ou un urino-fertilisant, comme on les appelle, quoi. Un fertilisant à base d'urine. Alors on va essayer de comprendre ça, parce que l'épandage, vous l'avez déjà expérimenté, il me semble. Et donc l'idée, c'est bien cela, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les déchets, en gros, et pour produire de la valeur ajoutée, comme des engrais, des fertilisants et autres. Et donc vous avez, vous, justement, j'ai vu ça dans un événement de la rentrée, me semble-t-il, utilisé, en tout cas fait des crêpes, on peut le dire, hein, avec des céréales qui avaient été fertilisées à l'urine dans le cadre de votre expérience, voilà, et de votre recherche. Fertilisées avec un fertilisant issu de l'urine. En fait, on va avoir un processus de traitement de l'urine. Alors, il y a plusieurs processus qui peuvent exister, quoi. La stabilisation, et enfin, voilà, il y en a plein. Alors, nous, on a choisi d'utiliser un processus low-tech qui émane des recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2012, qui préconise un stockage, un traitement par stockage qui va hygiéniser. Donc, hygiéniser, c'est abattre les pathogènes pour que. Ne retire que les bons. Pour les bonnes qualités. Donc. Ouais, voilà, pour garder les nutriments en solution, azote et phosphore, quoi. Et donc on a appelé ça du lysin. C'est comme le lisier humain. C'est une contraction pour. Lisier animal. Voilà, lisier animal, mais en humain, le lysin. Donc c'est de l'urine stockée qui est hygiénisée. Et dans le cadre du projet Colos, donc du démonstrateur, on a créé un démonstrateur agricole d'utilisation de ce lysin. Sur, donc là, c'était sur du maïs, mais l'an dernier, les années d'avant, en Île-de-France, on l'a fait sur du blé. Et on a produit une farine avec ce blé qui a été l'un des ingrédients des crêpes que vous évoquez. Voilà. Et dans cette transformation, cette urine transformée, quelque part, c'est de la poudre, hein, c'est ça ? Non, c'est uniquement du stockage. Là, c'est sous forme liquide. C'est apporté au champ. Nous, on l'a apporté au champ avec une tonne à lisier classique pour limiter la volatilisation de l'azote sous forme ammoniacale, parce que c'est pas très stable. On va recouvrir notre apport assez rapidement avec une herse. Pour que ça reste dans le sol et éviter de perdre l'azote. Et du coup, dans le cadre du démonstrateur, on a fait plusieurs itinéraires techniques avec différents dosages pour comparer finalement différentes possibilités d'utilisation. Et on a produit du maïs que je vous ai apporté d'ailleurs, qui est ici sur la table pour les personnes présentes. on peut l'entendre, voilà, j'ai mon petit pot de maïs produit avec une fertilisation issue de l'urine, quoi, avec du lysin. Issue de l'urine humaine, et donc basée sur cette agriculture aussi, finalement, circulaire et durable. Alors juste, là c'est à titre d'expérience, pour comprendre comment on pourrait encore déployer, développer aussi cette démarche. Qu'est-ce que cela impliquerait ? Parce que alors, c'est un changement de paradigme, hein, quelque part, et un changement de modèle total. Il va falloir, même là aussi, politiquement, que eh bien, ça suive, hein, si l'on peut dire. Ça veut dire tout à repenser, finalement, à une échelle conséquente. Alors peut-être pour rester sur... moi, je travaille plus spécialement dans le cadre de ce démonstrateur sur le monde agricole et sur ce que ça peut générer au sein du monde agricole et des agriculteurs. Je laisserai peut-être Clarisse après parler plutôt sur l'autre côté de la chaîne. Effectivement, nous, la réflexion, c'est de regarder l'organisation de la filière qui permette d'apporter sur les sols agricoles ce gisement de lysin. Faut avoir en tête que faut compter environ 17 mètres cubes de lysin sur un hectare pour fertiliser un peu à l'équivalent de ce qu'on fertilise aujourd'hui, on va dire en engrais de synthèse, quoi. Donc des gros volumes, des volumes relativement importants si l'urine n'est pas concentrée par un autre dispositif de traitement, quoi. Ça donne un ordre de grandeur. Après, j'ai un collègue là qui vient de soutenir sa thèse, Thomas Stark, et lui, il démontre que en regardant les besoins en fertilisant des parcelles agricoles en France et le gisement disponible d'urine en France, il essaye de faire l'association entre les deux sur la base d'une cartographie, on ferait faire moins de 50 km pour 99% du territoire français à notre urine pour qu'elle trouve un débouché en agriculture et qu'elle réponde à un besoin de fertilisation, quoi. Donc ça, c'est une donnée qui est quand même relativement intéressante parce qu'on se dit qu'on peut valoriser à proximité de chez soi son urine. C'est une des premières données. Et ce qu'il a regardé également, c'est qu'à l'échelle nationale, si on collectait l'ensemble des urines des Français sur le territoire métropolitain, on pourrait substituer la fertilisation en engrais de synthèse. En fonction des scénarios, on est entre 20 et 40% des engrais qui pourraient être substitués avec de l'urine, quoi. Donc sur des scénarios, on va dire à l'échelle 2050, où on envisage quand même aussi une révision du fonctionnement de la fertilisation du monde agricole que l'on considère aujourd'hui comme étant un peu caduque, dans le sens où on a tendance à surfertiliser et aussi avoir une alimentation qui est peut-être pas très équilibrée non plus, qui mériterait d'avoir des systèmes de rotation avec une fertilisation plutôt d'engrais verts également, plus que d'engrais de synthèse, quoi. Donc il y a aussi, on parle de revoir le système d'assainissement, mais il faudrait aussi revoir le système agricole aujourd'hui pour qu'il soit plus environnementalement parlant friendly, quoi. Amical. Pardon. Amical. Raisonnable. Raisonnable et durable. Oui. Et alors, l'étape le préalable, peut-être, c'est celle de la collecte et de la valorisation, alors, des excréments humains, justement. Alors, Clarisse, peut-être tu peux nous éclairer sur la tinette stéphanoise et oui, comment elle entend procéder au-delà de la réflexion que vous avez déjà menée et que vous menez encore, mais comment mettre en place concrètement cette valorisation des excrétats ? Alors pour la mise en place, l'objectif, ça va être de déconnecter finalement les toilettes à chasse d'eau classiques et d'installer des toilettes qui permettent justement la séparation des urines et des matières fécales. Et ensuite, l'enjeu, ça va être en fait de travailler en amont dès la conception des bâtiments ou en cas de rénovation. Donc là, on peut parler de la rénovation d'une maison individuelle ou d'un appartement ou d'un immeuble en fait entier. Pour intégrer justement des évacuations spécifiques pour les toilettes sèches. Cette transition au niveau du bâtiment, transformation, ouais, se font déjà. Et en fait, par exemple, il y a énormément d'habitats partagés, participatifs, qui, dès la conception du bâtiment, se posent la question, voilà, de comment en fait on peut aller plus loin que l'éco-conception et intégrer aussi la question de l'assainissement. Et donc voilà, il y a énormément de dispositifs de toilettes qui existent déjà sur le marché et qui permettent justement de lever ces freins. Ou ces, oui. Donc il y a des choses qui existent déjà, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'image comme ça, un peu peut-être passéiste, de toilettes sèches qu'on voyait toujours à l'extérieur, il fait froid, c'est en plein air, un caisson de bois avec un seau, etc. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des choses très adaptées, développées aujourd'hui sur d'autres toilettes possibles. Oui, et il y a pas mal d'exemples aussi qu'on peut retrouver. Donc, par exemple, il y a un habitat partagé à Dole de Bretagne, on peut en trouver à Grenoble. En Suisse aussi, ils ont fait trois bâtiments qui sont équipés tous de toilettes à séparation, avec qui vont jusqu'au traitement en fait, des eaux grises qu'ils ont mis à l'échelle de leur bâtiment. Donc, ils sont assez en avance finalement là-dessus. Et il me semble que Florent l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi... l'écoquartier à Saint-Vincent-de-Paul donc il y a un écoquartier avec 600 logements qui sont en train de s'équiper, qui réfléchissent en tout cas à installer une séparation des urines et des matières fécales. Tu veux compléter peut-être? Non, à Paris, oui, il est à Paris, dans le 14e à Paris, donc en milieu urbain dense. Voilà. Et des choses pratiquées. C'est des choses pratiquées avec aujourd'hui des toilettes sèches entre guillemets de luxe, quoi, où on peut avoir une ventilation sans odeur, sans apport de copeaux. Donc il y a des systèmes aujourd'hui sur le marché qui existent, qui répondent en fait à tout type de besoins et tout type de confort et d'exigences d'usagers. Quoi. Oui, mais alors avec jusqu'à cette étape-là, quel usage qui sont faits de ces excréments justement? C'est-à-dire que certes, les toilettes sèches, division des excréments finalement. Vous parlez de compost, vous mutualisez d'ailleurs là Clarisse avec Composton, dont on connaît beaucoup dans le cadre de compost notamment d'utiliser, mais là qui fonctionne comment en habitant urbain et dense notamment, quelle issue pour ces déchets là entre guillemets? Alors en fait, ce qui est intéressant quand on travaille à l'échelle de l'immeuble et en amont, c'est qu'on peut dimensionner les composteurs pour étaler finalement les fréquences de vidange. C'est vrai qu'on a généralement en tête le seau à vider tous les 3 jours avec la sciure, mais en fait on a plein d'alternatives possibles. Et donc en fait, par exemple, ça peut se vidanger une fois par an, voire une fois tous les 2, 3, 5 ans, en fonction de comment c'est dimensionné. Et ensuite... l'enjeu, ça va être de développer des partenariats, soit par exemple avec les espaces verts de la ville, qui va pouvoir récupérer les urines, ou pourquoi pas les compostages pour aller fertiliser les espaces verts. Ou bien on peut aussi développer des partenariats avec des agriculteurs qui vont venir directement pomper dans les lieux de stockage. Exactement, pour ensuite aller pendre un peu comme ça a pu être fait au niveau de Colas par exemple. Et est-ce que ça existe déjà justement? Au-delà des équipements, c'est-à-dire des toilettes adaptées ou adaptables, est-ce qu'il y a cette possibilité déjà de traitement et de récupération Sur le territoire, Stéphanois. Enfin, stéphanois, je ne sais pas, mais... Bah, je laisserai Clarisse répondre. Sur le territoire national, ça existe. Ça existe. Y a, sur le nouveau campus de Saclay, à Paris, en Île-de-France, il y a une filière avec un agriculteur qui est sur le territoire, qui vient pomper une cuve de 5 mètres cubes, me semble-t-il, en pied de bureau. Assez récemment, il y a un collège qui s'est équipé à Hendaye, qui a défrayé un peu la chronique dans les médias ce mois-ci, avec une cuve de 12 mètres cubes qui récupère les urines des élèves. Donc ces filières-là, elles sont bien qu'en niche et en émergence fonctionnelle aujourd'hui sur le territoire. Dans le cadre du démonstrateur Colosse dont on parlait tout à l'heure, moi je me suis basé sur un gisement qui était dans les mains d'un loueur de toilettes sèches en événementiel. Donc c'est de l'urine qui provient de Positive Education, Education, je ne sais pas comment on dit. Positive Education, oui. Voilà. Qui s'est déroulé ici même. Ici même, il y a quelques jours. Je tenais à le souligner pour remercier tous les Stéphanois qui ont permis au maïs de pousser. Et effectivement, aujourd'hui, les gisements sont principalement dans les mains de loueurs de toilettes sèches, mais on voit que depuis 2-3 ans, ça commence à changer de fait de projets comme ceux qui sont portés par Clarisse en milieu urbain. Quoi. Oui. Alors, sur l'événementiel, on le voit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de toilettes sèches qui se développent. Effectivement, on pense à une expérience possible sur ce type d'événement, d'espace. L'adapter, on va dire, à la vie quotidienne, domestique et autres. On imagine un autre chantier. Mais donc, c'est en cours et vous êtes en discussion, négociation. Clarisse, par exemple, pour la Tinette stéphanoise, c'est un projet là que vous travaillez en étroite collaboration, j'imagine, avec de nombreux partenaires. Et ben, notamment là-dessus, on travaille, on associe dans la réflexion Compostonde, là que vous avez cité tout à l'heure, parce que c'est un acteur du territoire qui traite déjà du à part compostage, qui a déjà potentiellement des compétences logistiques, etc. Donc qui est un acteur important, en tout cas, à associer dans ces réflexions. On travaille aussi avec la CEIN Montaut, qui est un chantier d'insertion qui est loueur de toilettes sèches, fabricant de toilettes, Montaut, ouais. De toilettes sèches aussi. Ouais. Et qui travaille déjà justement la valorisation et le traitement des matières quand ils récupèrent justement les matières après les festivals ou des événements sur lesquels ils interviennent. Et donc là, l'enjeu, ça va être de lever ces freins logistiques pour proposer en fait des débouchés pour les gens qui veulent s'équiper. Et donc de mettre justement tout le monde autour de la table pour voir comment on arrive à collecter les urines, comment on arrive à collecter, traiter les matières fécales et reboucler ce circuit. Voilà, donc pour l'instant, c'est la logistique qui remplace les tuyaux, finalement. D'accord. Et en ce qui concerne votre recherche, Florent ? Alors moi, j'essaye un peu de documenter finalement les différents modèles de filières qu'on va pouvoir retrouver sur le territoire français. Ça, c'est en cours. Peut-être citer une expérience d'une collègue qui travaille sur une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, pareil, qui a été assez médiatisée, où les AMAPiens, donc les personnes qui bénéficient d'un panier d'un maraîcher dans le cadre d'un contrat associatif, apportent leur urine dans le lieu de distribution du panier et le maraîcher réutilise cette urine pour fertiliser sa production, quoi. Donc ça, c'est des modèles qu'on commence à voir. Dans le cadre du projet Colos, on réfléchit à la structuration d'une filière en s'appuyant sur les compétences de la métropole de Lyon. Donc il y a un peu l'idée d'avoir un projet pilote sur un territoire plutôt périurbain de communes de 3000 habitants où le déploiement de la collecte des biodéchets est en cours, donc des déchets de cuisine est en cours, et de réfléchir à une mutualisation finalement de la collecte des biodéchets à l'échelle d'un ménage, donc à la fois biodéchets de cuisine, mais également biodéchets issus des excrétats humains, de réfléchir à comment les services publics pourraient s'accaparer ces gisements-là pour les apporter aux agriculteurs locaux qui ont une assez forte consommation finalement à la fois de matière organique et d'engrais, donc dans des démarches on va dire un peu service public, circuit court et de ce qu'on appelle la résilience territoriale, c'est-à-dire d'avoir des territoires qui permettent de nourrir ses habitants sans aller chercher des ressources à l'extérieur du dit territoire. Ouais. Et je pensais aussi peut-être à d'autres exemples au-delà de nos territoires justement et hors France. On a évoqué en début de cet entretien les pays dits du Sud dans le cadre de cette COP29. Est-ce que justement il n'y a pas d'exemple à l'étranger et dans d'autres pays, notamment ces pays dits non développés ou sous-développés, qui doivent eux faire face justement parfois à manque de ressources en eau, etc., et qui sont déjà dans des phases et qui pourraient être exemplaires justement déjà dans un process du même ordre? Est-ce qu'il y a des exemples et des initiatives comme ça existantes? Oui, il y en a beaucoup. On peut peut-être dire avec Clarisse qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'un réseau national qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique et qui regroupe une centaine d'acteurs sur l'ensemble du territoire français qui se préoccupent de la question de l'assainissement écologique et qui a été constitué en 2006 à l'initiative des loueurs de toilettes sèches en événementiel. Aujourd'hui, ça regroupe des bureaux d'études, des associations de sensibilisation, des laboratoires de recherche. C'est assez hétéroclite comme milieu. Et au sein de ce réseau, il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu un passé humanitaire, dont je fais partie, et qui se sont inspirés finalement d'expériences dans les pays du Sud, donc dans les pays dans lesquels ils sont intervenus, quoi. Et peut-être je peux témoigner pour le coup de ma propre expérience dans ce cas-là. Notamment, j'ai pu intervenir dans des programmes d'installation de toilettes dans des écoles au Burundi. dans les ateliers d'animation sur le modèle de toilette qu'on pouvait construire avant leur conception dans ces écoles, donc avec à la fois les services de l'éducation nationale burundais, des services d'entretien dans l'école, les directeurs, les instituteurs, les institutrices et puis les élèves. On s'est tous réunis et on a proposé différents modèles de toilettes. Et finalement, on a remarqué qu'il y avait un intérêt à avoir, dans ce contexte-là, des ressources de fertilisation pour amender les productions végétales qui visaient à nourrir les élèves dans les cantines scolaires. Parce que, au Burundi, il faut savoir que, finalement, les élèves bénéficient d'une bouillie pour pouvoir fréquenter l'école. En fréquentant l'école, qui est distribuée gratuitement et qui est issue d'une production de l'école, quoi. Et du coup, les choix se sont assez rapidement orientés vers de la toilette à séparation des urines et matières fécales, avec compostage pour les matières fécales et production d'urine pour fertiliser. Et plusieurs années après la construction des toilettes, on a pu constater qu'il y avait des vols d'urine, par exemple, quelque chose qui serait qui m'a beaucoup marqué, en tout cas, dans le sens où finalement l'urine en tant que fertilisant est identifiée comme quelque chose qui a de la valeur, quoi. Oui, qui est précieux. Et qui est précieux. Voilà, donc pour dire que ça a pas mal inspiré en fait aussi mon parcours aujourd'hui de vouloir développer ce genre d'initiative sur les territoires où je vis, quoi. Ça faisait partie de ma question parce qu'on parle beaucoup d'écologie aussi ici, parfois sans utiliser forcément ce terme de démarche écologique et autres. C'est aussi parfois en situation de survie aussi et face à des manquements et autres dans un souci d'économie, d'écologie peut-être associée, mais où des exemples sont déjà existants et mise en place, et comme quoi les pays du Sud sont aussi bien souvent exemplaires en matière de sobriété, je dirais, finalement, parfois par la force des choses. Grand merci à vous pour vos témoignages et ces expériences menées. Est-ce qu'on a fait un tour d'horizon un petit peu de cette question et de cette démarche tout à fait écologique pour le coup et nouvelle? Oui. Ouais, après on peut inviter les auditeurs à se rapprocher de la documentation qui existe notamment sur internet, ou pour les résidents du territoire de se rapprocher de Clarisse. N'hésitez pas à donner un contact ou peut-être un support quelconque. Et sur la tinette stéphanoise, on n'existe pour l'instant que sur LinkedIn, mais vous n'hésitez pas à aller voir sur la page. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller voir les publications qui sont sur le réseau d'assainissement écologique, qui sont un peu une mine d'informations. Exact. Et le programme OCAPI, on a une page ressource aussi sur le programme OCAPI. Voilà, vous tapez OCAPI, Colosse, assainissement écologique, expérience stéphanoise, lyonnaise, latinette, et vous trouverez toutes ces infos. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le dernier temps radio et dernière table ronde de cette journée. Merci. On va terminer avec une proposition musicale dans un autre registre, mais autre idée. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on se fait chier ? C'est les Têtes Raides qui va nous servir de petite musique de transition, justement. Merci à vous, puis on se retrouve juste après pour la clôture aussi de cette journée. Merci encore. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Ouais. Le monde est trop petit. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Ouais. J'ai plus d'appétit. Ouais. Qu'est-ce qu'on est con ? Ouais. Quand on est con, on est. Ouais. On est content. Ouais. Tant qu'on est content, on est. Ouais. Ouais. Alors on se gratouille. Ouais. Se tripatouille, ouais. On se fout du car. Ouais. On est des fainards. Ouais. Pardon, j'en prends au couplet d'avant. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Ouais. Et les autres aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Et qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est déjà ça de prix. Ouais. Oh bon. Qu'est-ce qu'on est con? Ouais. Qu'est-ce qu'on est? On est vivant. Ouais. Tant qu'on est vivant, on est. Ouais, ouais. Alors on se bourbonne. Ouais. Dans nos saxophones. Ouais. On se fout du temps. On est des mutants. Ouais. Pardon, j'en prends au couplet d'avant. temps. J'en prends au couplet d'avant. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Ouais. Avis sous garantie. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Et qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est un métier, je te dis. Ah bon? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on est con, con, con, con, con. Alors là, con, qu'est-ce qu'on... Encore. Stop. Encore. Et voilà, pas encore. Cette fois, c'est véritablement terminé. Qu'est-ce qu'on se fait chier les Tetraeds pour boucler ce sujet autour de la transition écologique qui passe aussi par les toilettes. Vous l'avez entendu avec le projet Colosse, expérience menée sur la métropole lyonnaise, et la Tinette Stéphanoise avec Clarisse Loaec qui nous a présenté cette association locale et donc des expériences, projets qui sont menés en la matière. C'était une table ronde réalisée le 23 novembre dernier lors du Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique à Saint-Étienne. Nous étions en direct du Parc Expo les 23 et 24 novembre dernier. Et cela fait partie des bonnes résolutions d'ailleurs 2025. Je m'attache à mettre en ligne l'ensemble des interviews, tables rondes et autres rencontres que nous avons réalisées sur cette édition 2024 de Tatou Juste. Ce sujet qui... eh bien, est tout à fait bienvenue et prétexte à vous annoncer donc cette prochaine rencontre soirée débat en présence de la Tinette Stéphanoise, justement, que vous retrouverez le 16 janvier prochain, jeudi prochain. Et cela vous a peut-être permis ou vous permettra d'alimenter pourquoi pas aussi le débat lors de cette soirée autour des toilettes sèches, précisément sur cette question, les toilettes sèches, nouvelle tendance écolo ou futur enjeu de société. Ce sera donc le 16 janvier prochain, jeudi 16 janvier à 20h au Remue Ménage Café Lecture, situé, je vous le rappelle, 43 rue Michelet à Saint-Étienne. C'est la toute fin de ce programme Des mots, des sons sensibles aujourd'hui qui, eh bien, va terminé en musique à nouveau, histoire de boucler la boucle. Hommage en ouverture de ce programme à Charlie Hebdo et des attentats qui ont été perpétrés le 7 janvier 2015, il y a 10 ans de cela. Nous allons terminer en hommage à nouveau et en double hommage même avec ce petit extrait musical qui a été réalisé pour le Noël 2008. À Charlie Hebdo, dans ses locaux, était enregistré un album, Charlie chante Noël. Alors, il y avait plusieurs artistes parties prenantes et propositions musicales au sein de cet album ou cette compilation. Et lors de cette séance d'enregistrement, eh bien, s'y trouvait pour exemple Cabu, malheureusement disparu lors de ces attentats, et son fils Mano Solo, qui enregistraient ensemble La Java du Diable de Charles Trenet. On sait que Cabu était... grand fan de Charles Trenet. Alors on va retrouver là les rushs de l'enregistrement avec Hervé Coury, la voix off de Charb, disparu aussi tragiquement le 7 janvier 2015, et les rires de Patrick Peloux, qui lui a échappé. Peu de chance ce jour-là, étant pris par une réunion des urgentistes alors. Donc l'occasion d'un double hommage, voilà, à Cabu et au Charlie de manière générale, pour cet enregistrement de Noël 2008, alors que disparaissait aussi quelques années après, c'était le 10 janvier 2010. Cela fera donc 15 ans que disparaissait également Mano Solo. Donc voilà, Mano Solo et Cabu chantent à Charlie Hebdo La Java du Diable de Charles Trenet pour boucler ce programme des mots des sons sensibles. On se retrouve normalement jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Allez, si tu dis rien, on va partir au premier jour. C'est comme jeudi. Ah, ok. Non, mais c'est vrai. Vas-y. Un jour, le diable fait une java. Attends. Écoute la musique. Vas-y. Bon, d'accord, ça marche pas. Non, non, je le sens naturellement. L'armée du début. Ça fait tiens, tiens. Bon, un jour. Juste après le temps. Un jour le diable le fut une java, qu'avait tout l'air de stress par son cas, de stress par à trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière, par cet air fut enchantée, des dancings au cimetière, tout le monde chantait. On la dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, la diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Les petits malheurs avaient commencé, car ce refrain de Lucifer, partout, partout, tout au top prix, circonvenant bien les esprits. Ouais, c'est dur, hein. Comme au mois de décembre, un député des prix de coup, à la tribune de la chambre, dit dans son discours, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? Coup de fusil, on dû l'abattre, il expira de... Ouais, je suis toujours en retard, c'est ouais, mais non. C'est l'accent comique, circonvenant bien les S. Circonvenant bien les S. Arrête de me pousser. Un jour le diable fit une java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. Face à trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière, par cet air fut enchantée. Les dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Les petits malheurs avaient commencé, car ce refrain de Lucifer venait partout, tout de suite appris, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député pris de court, à la tribune de la chambre, dit dans son discours. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? Un coup de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle Pleyel n'écoutait plus, des grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre n'est là, Sébastien Bach et la java. Ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à quelle pagaille dans le théâtre. Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mains, ce fut bien pire, le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers. 3-4, 1-2-3-4, dans les New York et Chicago, l'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout vint tranquille, on n'entendit plus java, dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il touchait plus de droits d'auteur, tout ça c'était de l'argent de foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer. En enfer, on ne l'espère pas. Beau et émouvant que de retrouver ici père et fils réunis. Cabu et Mano Solo sur ce titre La Java du Diable de Charles Trenet pour cette compilation et cette session enregistrée à Charlie Hebdo Noël 2008. C'est la toute fin de ce programme des mots des sons sensibles de ce 7 janvier 2025. La suite des programmes que je vais vous annoncer dans un instant, et puis bien grille audiophonique aussi, autant vous annoncer ce qui va vous être proposé également ce jour ou ces jours, je pense. pense à aujourd'hui et demain essentiellement, avec la reprise des programmes, je dirais presque à la normale en ce début d'année 2025, et reprise après cette période de vacances parfois ou de fêtes. Eh bien, en ce mardi après-midi, vous allez retrouver la boîte à musique pour vous accompagner jusqu'à 18h, heure du retour de la guinguette. Le retour de la guinguette, c'est la chanson française à l'honneur, et plus, avec le pivot commande, chaque mardi 18h. Entre 18 et 19h, s'en suivra la rediff de Ces mots et sons sensibles du jour, et puis le programme hebdo Pata Negra, les musiques espagnoles à l'honneur, à partir de 20h, et en alternance une semaine sur deux à 21h, c'est soit le collectif La France Pue pour ses agitations punk rock, en semaine impair et en semaine pair, ce qui est le cas cette semaine, et donc ce mardi 7 janvier, ce soir à 21h, vous retrouverez l'émission, ou presque nouvelle émission, La Fabrique, qui est eh bien une nouvelle émission qui est arrivée, c'était en novembre dernier, tous les 15 jours donc, en semaine paire. C'est l'épopée, la fabrique de l'épopée, la fabrique, l'association qui réalise via Max cette émission plutôt pop, donc bimensuelle, pardon, que vous retrouvez donc une semaine sur deux le mardi, et ce sera ce soir pour cette première de l'année 2025. Voilà pour les programmes de ce mardi. Et ce mercredi, vous retrouverez à 8h la rediff de Ces mots et sons du jour. Et puis la mensuelle du café, c'est à 10h, alternance de programme, vous le savez, mensuelle. Le premier mercredi de chaque mois avec Aussitôt dit, ce qui était le cas semaine dernière. Le troisième mercredi de chaque mois en BD avec Aurilleur Sanglier. Et Les Baladeuses, nouvelle émission radio que vous allez retrouver prochainement à la fin de ce mois de janvier, quatrième mercredi du mois à 10h, une nouvelle émission, une exploration radio entre art, temps et espace. Et ce sera donc la première en ce début d'année 2025. Et le deuxième mercredi du mois, ce qui sera le cas ce mercredi 8 janvier à 10h, vous avez rendez-vous avec notre programme mutualisé et collectif régional avec notre fédération Confédération Aura FM, Aura des Pâquerettes, qui sera consacrée demain à nouveau à l'écologie. Et oui, avec une émission spéciale qui a été réalisée par une radio qui nous vient de Chamonix, donc dans les Alpes, et qui va aborder la question du changement climatique qui affecte justement et précisément la vallée de Chamonix de multiples façons, fonte des glaciers, éboulements en montagne et autres. Alors il y aura vraiment des spécialistes, géomorphologues, directeurs de recherche au CNRS, les compagnies des guides, guides de montagne, auto-montagne, et puis une interview même réalisée de la ministre de la Transition écologique, de l'énergie et du climat, et de la prévention des risques d'ailleurs. Voilà, en tout cas une émission spéciale, ce sera ce mercredi à 10h, mercredi 8 janvier, 10h dans la mensuelle du café, pour cette émission mensuelle Aura des Pâquerettes de la Fédération des radios Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis vous retrouverez encore ce mercredi 8 janvier à midi l'actu tout terrain avec Plus fort j'entends rien, de retour là aussi en direct en ce début d'année 2025, et qui aura l'occasion de jeter une petite oreille dans le rétro avec une petite émission spéciale musique, et notamment best-of, les coups de cœur et autres de ce que Plus fort j'entends rien et le 895 de Duo ont joué le plus massivement sur l'année 2024. Et puis enfin, autre mensuel, non pas du goûter à 16h30, qui pour l'instant laisse créneau libre le deuxième mercredi du mois, mais le deuxième mercredi de chaque mois à 18h, la mensuelle en apéro avec le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui reprend du service là aussi en 2025 et qui, pour sa première de l'année, ce mercredi 8 janvier, reviendra sur une grande et forte mobilisation, que de souvenirs, celle de 1995, les conditions politiques et sociales de ces mobilisations de 1995. Et oui, c'est aussi une forme d'anniversaire qui sera abordée, voire célébrée, dans cette mensuelle du Grémos ce jeudi 8 janvier à 18h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis, après la rediff de Plus fort j'entends rien à 19h ce mercredi, là aussi c'est une semaine sur deux dans les semaines paires, c'est donc la bonne semaine, ce mercredi 8 janvier, rendez-vous avec le blues et plus avec l'émission Boogie à partir de 20h30. Voilà tout ce qui vous attend, au moins aujourd'hui et demain, mais vous le savez, Dio c'est 24h sur 24, sur 89.5 et les www.radiodio.org, en vous souhaitant justement belle écoute de Dio. Bonne après-midi, journée, soirée et plus.